Ouais. La brigade arsenic. Mais impossible que je dépanne des pannes dans Mendesi. Pour ma milice, je reste édifice. Que sanctifie le reste édifice. Philippe Ster, milite, mimissance ministère. Ouais. C'est trop par les murs. On envahit la passerelle et tout s'écroule. Y'a trop de bougnoulettes crêles. On crève l'écran, ouais. Rien à cran, à coup de cran. On lutte contre elle, c'est franc. Et cru, négro, l'instru crie. Dieu est grand, les recrues on trie. En gros, on a déjà creusé les trous et en prend le pouvoir pour ne plus voir nos espoirs sous écrou. Tellement de rage, ouais, dans mon cœur que j'en ai les yeux dans même le flou. Même si c'est le feu qu'on fout, faut qu'on s'organise contre nos démantèlements. On finira fou, esclave mentalement, je sais que ça demande tellement, ouais. D'accorder nos violons, mais chaque jour c'est nos droits qu'on violence. Monde, mais l'union fait la force, ouais. Et si tu joues le violent, du genre inspecteur à riche, ouais. On te pisse tel un insecte arabe. Ouais, maintenant, ouais, tu sais que t'auras affaire à la garde et au secteur. T'as peu de déconne, t'es con ou quoi? Apocalypse demain. On règle nos comptes sur ce putain de beat, on envahit le terrain. On va tous dead, quelques coups de suffisent pour ceux qui roussent paix. Des coups de tête se perdent, on parle pas, on tombe à tous sur un. Exactement 3 minutes pour tailler. On te laissera pas le temps de bailler. Le poison combiné pour grailler. Arracher le terrain, tout comme on dirait dans notre jargon. Bête d'arguments sur chacune des phrases que nous larguons. Hé, hey, je mets fin à l'embargo qui pèse sur nous basse. Ouais. Un ex sur TFA qui ne fait pas qu'à ma selle des goûts. Je me vois à la place de PPDA présenter le 20h. Les miens représentés, maintenant on sera dans le rang des vainqueurs. Regarde la garde, remonte à garde, regarde le feu à ta porte. Ça part dans les sous-sols, ça lâche la de mer quand t'apporte. Frappe fort, qu'on en v'là les pertes au sein de ton escorte. Je vous préviens, hein, si vous voulez nous reste, venez à plein. On monte l'échafaud pour nous chauffer contre les fachos. On l'a chaud, on fait faux marteau, haché à chaud. Non, scène Safara ou scène coup de schlasse, connect. Gars, maintenant si ça scène founec, les plaintes viendront pas de chez nous. Je décompte, t'es con ou quoi? Apocalypse demain. On règle nos comptes sur ce putain de beat, on envahit le terrain. Pour le push, gars, ce nick sans le push, gars. Tu la fermes ou je t'assure que c'est là que tu te couches, gars. Double décompte, décompte quoi? Apocalypse demain. Et vu ce qui se concocte, ici des cordes, si se vont sauter. Une clique, un briquet, un clic-clic, un baril d'essence. Mix sans licence, et en éveil, je garde mes six sens. Kick, six sens, style de rap, puissance, il gratte, il brûle. Les rues, les caves, engraînent les nègres les plus obéissants. Et merde, tu sais pas pourquoi on prend le pouvoir, tu crois? Les jeunes, ils se perdent pour rien. Tu veux tout voir? Non, tout savoir? Viens voir chez nous, viens voir. Ils expliquent quand les couilles font pleuvoir sur nous. C'est arsenic, la brigade, réunion sème la discorde. Maintenant s'ils veulent nous pendre, il leur faudra bien plus d'icordes. Fils pour mourir, il est trop tôt dit. Et on est loin d'avoir tout dit. Mais ils savent qu'ensemble on a trop d'influence dans les taudis. Film de tueur aux pompes, gros gibier cartouche. Gros si ça touche, c'est terminé. C'est Dichico qui démissionne de ta bouche. Ta guerre royale sur terre ou ailleurs, y'a plus de punk. Et tant que les miens ne seront pas satisfaits, yo à moi. Dès que j'ouvre la bouche, arrache tes tas de vorace. Ça passe ou ça casse, j'ai pas le choix, les tas. R-C-N-I-K, la brigade pure arabica. V'là le temps pour qu'il confirme, conforme au dos du certificat. Double décompte, t'es con ou quoi? Apocalypse demain. On règle nos comptes sur ce putain de beat, on envahit le terrain. On tombe à tous dead, quelques coups de suffisent pour ceux qui rougent paix. Des coups de tête se perdent, on parle même pas, on tombe à tous sur. Double décompte, t'es con ou quoi? Apocalypse demain. On règle nos comptes sur ce putain de beat, on envahit le terrain. On tombe à tous dead, quelques coups de suffisent pour ceux qui rougent paix. Des coups de tête se perdent, on parle même pas, on tombe à tous sur. Double décompte, t'es con ou quoi? Apocalypse demain. On règle nos comptes sur ce putain de beat, on envahit le terrain. On tombe à tous dead, quelques coups de suffisent pour ceux qui rougent paix. Des coups de tête se perdent, on parle même pas, on tombe à tous sur. Double décompte, t'es con ou quoi? Apocalypse demain. On règle nos comptes sur ce putain de beat, on envahit le terrain. On tombe à tous dead, quelques coups de suffisent pour ceux qui rougent paix. Des coups de tête se perdent, on parle même pas, on tombe à tous sur. Double décompte, t'es con ou quoi? Apocalypse demain. On règle nos comptes sur ce putain de beat, on envahit le terrain. Pas de problème, le sixième show, c'est